إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on a commencé hier, c'était le chapitre 57, et le titre du chapitre 57 c'est « Babu ma ja'a fi al-law », c'est-à-dire qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de l'interdiction de dire « si » quand on parle. Donc on a parlé du premier verset qui est mentionné dans le chapitre. Aujourd'hui on va lire l'autre verset qui est mentionné, c'est « وَقَوْلُهُ الَّذِينَ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. C'est le verset 168 dans sourate Al Imran. Le verset dit: ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, c'est-à-dire ceux qui, parmi les munafiqins, n'étaient pas partis au combat de Uhud et qui sont restés dans leur foyer, dire à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dit, écartez donc de vous la mort si vous êtes véridique. Hein? Ça c'est le verset en question. Le chef donc il va commencer à expliquer ce verset là en détail. Il dit, وقال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا هذه قالها عبد الله بن أبي رأس المنافقين قالوا لإخوانهم يعني من المؤمنين الذين خرجوا وقتلوا في أحد كيف سماهم إخوانهم وهل يكون المؤمن أخا للمنافق هذا حسب الظاهر لأن المنافق في الظاهر مؤمن فهي أخوة بحسب الظاهر لأن المنافق يعامل معاملة المؤمن في الظاهر وتوكل صريرته إلى الله وتوكل صريرته إلى الله سبحانه وتعالى فهو سماهم إخوانهم بحسب ما أظهروا من الإيمان وقيل إخوانهم في النسب لأن عبد الله بن أبي من قبيلة الأنصار وهو من أهل المدينة فهم إخوانهم في النسب والله أعلم. Le cheikh il commence à expliquer le verset. Il dit, comme on a dit tout à l'heure, ceux qui sont restés dans leur foyer, qui ne sont pas partis à la bataille de Uhud, dirent à leurs frères, s'ils avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. C'est-à-dire, s'ils auraient obéi à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ils n'auraient pas été tués. Hein? T'es allergique, Harry? Mais ton manteau va être rempli de poils de chat. Allah musta'an. Non. Ok. Donc, oui c'est ça. Donc, ils ont dit, s'ils nous avaient obéi, c'est-à-dire s'ils avaient obéi à nous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sortis comme les munafiqins, comme Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Non. Donc, le chef il répond, il explique ça, il dit, ça c'est la parole d'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul qui était la tête des munafiqines, c'était le chef des munafiqines à Médine. Et ils ont dit à leurs frères, c'est-à-dire parmi les musulmans qui sont sortis, qui sont allés se battre à la bataille de Uhud, il leur a dit cette parole-là à eux. Et le cheikh, il pose une question, il dit, comment Allah subhanahu wa ta'ala les appelle des frères, alors que ce sont des munafiqines? On sait très bien que les croyants ne sont pas les frères des munafiqines, puisque les munafiqines sont des kuffars, et il n'y a pas de fraternité entre les mu'minines et les kuffars. Le cheikh, il explique, il dit que cette fraternité-là est seulement en apparence, c'est-à-dire ils sont seulement en apparence des frères des croyants, parce qu'en réalité, dans leur cœur, ils ne croient pas en l'islam. Donc, on sait que dans l'islam, quand quelqu'un est un munafiq, il cache sa mécréance. Et donc, nous, on a uniquement la possibilité ou la capacité de juger les gens selon ce qu'ils nous montrent, hein, selon leur apparence en extérieur. Donc, nous, on les juge à l'extérieur selon ce qu'ils nous montrent. Et tant qu'on n'a pas de parole de kufr claire ou de parole de shirk claire qui les fait sortir de la foi, eh bien, on ne peut pas savoir si ce sont des munafiqines ou non. Exactement. Donc le cheikh, il dit lui que Allah a dit qu'ils ont dit à leurs frères, c'est-à-dire aux croyants, et c'est en apparence seulement qu'ils sont leurs frères, parce qu'on doit les traiter selon qu'est-ce qu'ils nous montrent. Et il y a une autre explication que des savants ont dit, ce seraient leurs frères dans les liens de parenté, puisqu'ils sont de la même origine, de la même tribu. Parce qu'Abdullah ibn Ubay, il est de la tribu des Anfar, et donc à cause de ça, ils seraient leurs frères dans les liens de parenté du fait qu'ils sont de la même tribu. Donc ça, c'est une autre explication. Et le cheikh, il dit, « Wallahu a'lam ». Ensuite, le cheikh, il dit, « وَقَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتِ إن كنتم صادقين. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit juste après avoir dit la parole des munafiqin, après avoir cité la parole des munafiqin, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, écartez-vous donc de vous la mort si vous êtes véridique. Hein, si vous pensez que vous êtes capable d'éviter la mort, évitez-la si vous êtes capable. En n'allant pas au combat, vous pensez qu'en ne pas allant au combat, vous allez être sauvé de la mort. Eh bien, sachez que peu importe que vous alliez au combat ou non, vous allez être quand même victime de la mort un jour ou l'autre. Et si c'est écrit pour vous que vous devez mourir, vous allez mourir quand même. D'accord? Donc ça, c'est l'explication du cheikh. Ensuite, le cheikh, il dit, إذا كنتم تزعمون أنكم تمنعون الموت من هؤلاء فمنعوه عن أنفسكم. C'est ça. Et si vous croyez que vous pouvez empêcher ceux-là, ceux qui sont morts, vous auriez pu les empêcher de mourir, alors essayez de vous empêcher vous-même de mourir si vous êtes capable, si vous êtes véridique. قل فدرأوا أي امنعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين من أنهم لو كانوا عندكم ما ماتوا وما قتلوا. Si vous êtes véridique dans votre parole que vous dites, que s'ils étaient restés près de vous, ils n'auraient pas été tués. Hein? Le cheikh, il dit, donc, « وَالشَّاهِدُ فِي قَوْلِهِ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا هَذَا فِيهِ اسْتِعْمَالُ لَوْ فِي مَقَامِ الْجَزَعِ وَالتَّصَخُّطِ وَعَدَمِ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ فَالْمَوْتِ الَّذِي حَصَلَ عَلَيْهِمْ بِزَعْمِهِ ليس هو بقضاء الله وقدره وإنما هو بسبب الخروج وإن البقاء في المدينة سبب للسلامة ولا يرجع هذا إلى القضاء والقدر والسلامة من القتل وعليكم السلام ورحمة الله والسلامة من القتل كلاهما راجع إلى القضاء والقدر سواء بقوا في المدينة أو خرجوا إلى أحد فمن كتب الله أنه يموت فإنه سيموت في المدينة أو في أحد ومن كتب الله أنه يبقى فسيبقى سواء في المعركة أو في المدينة فالأمر راجع إلى قضاء الله وقدره Donc l'explication du cheikh, elle est très claire ici. Donc le cheikh, il explique, il dit, le point que le cheikh a voulu prouver en mentionnant ce verset-là, c'est que si ils étaient restés, il dit dans la parole qu'ils disent, Allah il cite la parole des munafiqins, il dit, si ils étaient restés près de nous, ici ils ont utilisé le mot « si », on voit qu'ils ont utilisé le terme « si » ou le mot « si », et ils l'ont utilisé dans le sens qu'ils sont soit en colère contre la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien pour exprimer le fait que, yani, ils se plaignent ou ils sont insatisfaits de la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne sont pas, qu'ils n'ont pas de foi en la prédestinée, et en ce que Allah a prédestiné pour la création. Donc ils disent que la mort qui est arrivée à ceux qui sont morts dans la bataille de Uhud, c'est pas parce que la mort avait été décrétée pour eux, mais c'est plutôt parce que ils sont sortis. Donc ils croient que la mort pourquoi la cause de leur mort c'était quoi? C'était uniquement le fait qu'ils sont sortis et non pas de la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils croient que le fait de rester à Médine, c'est qu'est-ce qui t'amène le fait d'être sauvé, et le fait de sortir, c'est qu'est-ce qui t'amène le fait de mourir, et que ça n'a aucun lien, ou que c'est pas relié du tout à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh explique, il dit, que ce soit le fait de rester sain et sauf ou d'être tué, les deux reviennent à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe qu'il reste à Médine ou qu'il sorte à Uhud. Les deux, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose, parce que Allah, il a prédestiné la mort pour toi. Donc lorsque ces sahaba sont partis à Uhud, c'est pas ça qui a fait le fait qu'ils sont morts. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont morts? C'est parce que Allah avait écrit qu'ils allaient mourir. C'est pas parce que le fait qu'ils sont partis à Uhud. Il y en a qui sont partis à Uhud, ils sont pas morts. Il y en a qui sont restés à Médine, qui sont morts. Donc ça ne veut pas dire que le fait que tu sortes, que tu meurs, et ça ne veut pas dire le fait que tu restes, que tu vis. C'est, tout est contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme Omar, l'autre fois il nous a raconté l'histoire, quand il était parti dans son pays. Eh ben, il y en a qui partent là-bas, il y en a qui sont là-bas, qui vont là-bas, qui meurent. Il y en a qui vont là-bas, qui vivent, qui restent en vie, qui reviennent, ça y est sauf. C'est pas le fait d'aller là où il y a du danger, ça veut dire automatiquement tu vas mourir. La mort, elle est prédestinée, elle est écrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc c'est ça que chaque croyant doit avoir dans son cœur. Donc ça revient au qada et au qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les guerres qui se produisent dans le monde depuis le début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, il n'y a même pas une feuille d'arbre qui bouge ou une goutte de pluie qui tombe, excepté que c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un se fait frapper dans la rue, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un se fait frapper dans la rue par une voiture en traversant, ou bien quelqu'un se fait tirer, ou quelqu'un se fait attaquer dans la rue, ou n'importe quoi, quelqu'un pourrait dire, ah ça c'est une coïncidence, ça arrive comme ça par accident. Mais ça c'est juste par rapport à nous les êtres humains, on voit ça comme ça. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, tout est calculé, tout est prédestiné. Il le savait, il avait écrit, il avait voulu, et tout ça donc, et c'est lui qui a créé tout ça donc, il n'y a pas de prédestiné, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance ou de coïncidence pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour nous les créatures, quand on regarde ça à l'extérieur, on s'imagine que c'est une coïncidence. Bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné, même quand on va au combat, de prendre nos armes, puis de prendre nos protections, nos défenses et tout, pour justement essayer de faire en sorte qu'on évite les coups des ennemis, puis les frappes des ennemis. C'est pas juste d'aller se jeter comme ça devant comme les soufis. Ouais, ils marchent n'importe, ou bien ils partent, ils n'amènent pas de nourriture, ils disent, je mets ma confiance en Allah, ou des choses comme ça. Ça, c'est pas mettre sa confiance en Allah. Mettre sa confiance en Allah, c'est de prendre les moyens nécessaires pour éviter le mal, et après, tu mets ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ça, de mettre sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est ça, exactement. C'est comme le cas, il dit l'exemple, l'homme est rentré, il a dit au messager d'Allah, j'ai laissé mon chameau devant et je mets ma confiance en Allah, je ne l'ai pas attaché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attache-le et puis mets ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le meilleur exemple hein, à ce sujet-là. Donc, ça c'est un bon point pour nous faire comprendre la réalité de la question dont on est en train de parler. Donc là, on a expliqué le verset. Maintenant qu'on a expliqué le verset, on va expliquer maintenant le hadith qui est mentionné dans ce chapitre au sujet de cette question-là par rapport à utiliser le mot « si ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, si je ne me trompe pas, si je pense que c'est… non, c'est par l'imam Muslim. C'est un hadith rapporté par Muslim selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Il a dit, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجزن ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وإن فإن لو تفتح عمل الشيطان. Le hadith, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit fais des efforts pour atteindre ce qui est bénéfique pour toi, pour faire ce qui est bénéfique pour toi. Et demande l'aide d'Allah. Et ne te décourage pas. Et si quelque chose t'atteint de mal, dis pas si seulement j'avais fait telle ou telle chose serait arrivée. Mais dis plutôt Allah a prédestiné et c'est ce qui est arrivé c'est ce qu'il a voulu. Allah a prédestiné et c'est ce qu'il a voulu qui s'est produit. D'accord? Donc ça c'est qu'est-ce qu'on doit dire dans ce cas-là? Et le cheikh il répond, il dit pourquoi? Parce que de dire l'au, de dire si, c'est ça ce qui ouvre la porte du shaitan. C'est ça ce qui ouvre la porte du shaitan. Donc le cheikh il va expliquer ce hadith-là. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il va expliquer ce hadith. Wa qala fi sahih, yani fi sahih Muslim, qawluhu al-mu'minu al-muradu al-mu'minu al-qawi, al-muradu bil-qawi huna quwwatu al-iman. Ay al-qawi fi imanihi. Wa kadhalika al-qawi fi badanihi wa ra'yihi wa tadbirihi. فالقوة تشمل قوة الإيمان وهذا هو الأصل والأساس قوة الرأي والتدبير هذا هو الأصل والأساس وقوة الرأي والتدبير وقوة البدن أيضا لأنه ينفع بقوته ينفع نفسه وينفع غيره فنفعه يكون متعديا فهو خير أفعل أفعل تفضيل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. Donc le mot خير ici c'est خير أفعل تفضيل أي أكثر خيرا وأحب إلى الله هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب المؤمن القوي والمحبة من صفات الله سبحانه وتعالى. Donc, le cheikh explique ici que le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence en disant que le croyant qui est fort, il est plus aimé par Allah que le croyant qui est faible. Al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabba ila Allah min al-mu'min al-da'if. Wa fi kullin khayr. Ça c'est le hadith au complet, mais l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il n'a pas mentionné la première partie dans le texte du livre. Il a seulement mentionné la partie qui concernait la question de dire l'au. Tandis que le cheikh Al-Fawzan, il explique le hadith au complet. C'est pour ça que j'étais un petit peu mélangé là. Mais bon, là ça y est. Le cheikh il explique que le croyant qui est fort, il est meilleur, il est plus aimé que le croyant qui est faible. Et il explique qu'est-ce que ça veut dire le croyant qui est fort. Al-Mu'min Al-Qawi. Le croyant qui est fort, c'est-à-dire celui qui est fort dans sa foi. Et également, on peut ajouter à ça celui qui est fort dans son corps, celui qui a une opinion forte, celui qui a une organisation forte, et celui également qui a un corps qui est fort physiquement. Donc, dans tous ces aspects-là, il faut que le croyant soit fort. Mais le cheikh explique qu'à la base, le plus important, c'est qu'il soit fort dans sa foi. C'est ça le plus important. Parce que s'il est fort dans son corps et dans le reste, mais qu'il est faible dans sa foi, c'est pas le plus important. Le plus important n'est pas là. Donc, il faut être fort dans la foi en premier, puis ensuite dans le reste. Et si les deux sont, si on a cette force dans tous ces aspects-là, alors c'est encore plus bénéfique. Non seulement c'est bénéfique pour toi-même, mais c'est bénéfique aussi pour les autres. Parce que, avec toutes les forces que tu possèdes en toi-même, tu peux les utiliser pour faire du bien. Ouais. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « wa fi kullin khayr », c'est-à-dire, quand il dit « al-mu'minu qawi khayrun », wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est comme s'il disait « aksaru khayran », c'est-à-dire plus meilleur, hein, plus bon. C'est ça que ça veut dire. Af'al, c'est une forme en arabe qu'on utilise pour dire quelque chose est meilleur. Af'al, la forme af'al. Okay? C'est comme tu dis par exemple kabir, tu veux dire grand. Kabir, ça veut dire grand. Tu dis plus grand, tu dis akbar. Ok? Azim, ça veut dire grand aussi. A'azam, ça veut dire plus grand. Hein? Hakim, Ahkam, oui. Ou bien Rani, Arna, riche, plus riche. Donc, avec tous les termes, tu peux dire ça. Sauf que certains mots, tu ne peux pas les mettre à la forme af'al de cette façon-là. Wa ahabba ilallah. Quand il dit ahabba ilallah, ça veut dire qu'il est plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'aime plus. Allah aime plus le croyant qui est fort que le croyant qui est faible. Et il explique que ça c'est la preuve que Allah il a parmi les attributs qu'il a fait qu'il a l'amour, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il aime le croyant faible, le croyant fort plus que le croyant faible et que ça fait partie de ses attributs. Le cheikh il dit ensuite al-mu'min min al-mu'min al-qawi al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabba ila Allah min al-mu'min al-da'if al-da'if fi imani. وكذلك الضعيف في إرادته وتدبيره وبدنه لأن نفعه يكون قليلا لنفسه ولغيره. Il dit que le croyant fort est meilleur que le croyant faible. Le croyant faible dans sa foi, hein, pas seulement le croyant qui est faible dans son corps physiquement et ainsi de suite. Non, le croyant qui est faible premièrement dans sa foi, puis ensuite dans le reste. Pourquoi? Parce que il est moins bénéfique, il amène moins de bien pour lui-même et pour les autres. Donc ça c'est l'explication. Après il dit وقال وفي كل خير. C'est المؤمن كله خير. المؤمن القوي خير والمؤمن الضعيف خير. Hein? Les deux sont bons. Sauf que le croyant qui est fort est meilleur. Le cheikh il explique ça. Il dit المؤمن كله خير. المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كلهم فيه خير. ولكن المؤمن القوي خيره متعد إلى غيره. والمؤمن الضعيف خيره قاسر على نفسه لا يتعداه. Donc le croyant qui est fort, le bien qui vient de lui dépasse et il va même sur les autres personnes. Le bien qu'il amène dépasse, va plus loin que lui-même. Son bien va même sur les autres. Tandis que le croyant qui est faible, son bien se limite à lui-même seulement et il ne va pas vers les autres. Ensuite, Cheikh dit wa qawluhu ihris bi kasr ar-ra. ويجوز الفتح والحرص معناه المبالغة في طلب الشيء ومعنى قوله احرص على ما ينفعك يعني بالغ في طلبه وابذل الوسع في تحصيله فإن النفع مطلوب وفي ضمن ذلك النهي عن الحرص على الشيء الذي لا ينفع ثم قال واستعن بالله يعني لا تعتمد على الحرص فقط ولكن مع الحرص استعن بالله سبحانه وتعالى لأنه لا غنى لك عن الله ومهما بلغت أو بذلت من الأسباب فإنها لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى فلذلك جمع بين الأمرين فعل السبب ومع الاستعانة بالله عز وجل. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite ihris, et le mot ihris il explique que ça veut dire que, ou al-hirs en arabe, ça veut dire de faire un extrême effort pour arriver à atteindre quelque chose que tu veux. C'est ça le al-hirs, c'est un désir ardent d'avoir quelque chose, ok, puis tu vas faire tout ce que tu peux pour arriver à avoir cette chose que tu désires. C'est ça al-hirs. Ok, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ihris ala ma yanfa'uk, c'est-à-dire fais le plus grand effort possible et aie le plus grand désir possible pour atteindre ce qui est bénéfique pour toi, hein. Et il dit ensuite fais tous les efforts possibles pour l'avoir et pour avoir qu'est-ce qui est bien, et ça c'est quelque chose de bon. Et ça, ça implique également qu'on doit interdire, qu'il est interdit d'avoir, de faire des efforts vers quelque chose qui n'est pas bénéfique pour nous. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fais des efforts vers quelque chose qui est bénéfique pour toi, ça implique l'interdiction du contraire. C'est-à-dire l'interdiction de faire des efforts pour arriver à quelque chose qui est nuisible pour toi. Que ça, c'est interdit. Et ensuite, il dit ثم قال واستعن بالله, hein, ça te plaît. Puis ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et cherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, dépends pas toi-même, essaie pas de dépendre uniquement sur ton désir et sur ton effort que tu vas faire pour arriver à ton but, mais en faisant l'effort et en essayant d'arriver à ton objectif, la chose qui est bénéfique pour toi, mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et repose ta confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala, car peu importe qu'est-ce que tu peux avoir comme désir ardent et comme effort que tu peux faire pour arriver à atteindre ton but, tu ne peux pas te passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et pourquoi? Parce que les causes que tu vas faire pour arriver à ton but ne peuvent être bénéfiques pour toi que si Allah l'a voulu, hein? Et uniquement avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut réunir les deux choses, comme on l'expliquait tout à l'heure. De faire les causes nécessaires et de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال ولا تعجزن بفتح الزي ويجوز الكسر والنون نون التوكيد الثقيلة وهذا نهي عن العجز. Le prophète d'Allah il dit ولا تعجزن, c'est-à-dire ne te décourage pas, ne perds pas l'espoir, ne te décourage pas quand tu veux faire quelque chose. Parce que des fois tu te décourages, tu commences, t'as le hirs, t'as le désir, tu veux vraiment faire quelque chose, tu fais des efforts, puis après tu te décourages, tu baisses les bras. Ne te décourage pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne te décourage pas. Et, alhamdulillah, yahdikum Allah wa yuslihu balakum. Donc le cheikh il explique dans ce petit passage, le noun c'est noun at-tawkid. Le noun à la fin du verbe wala ta'jazan, c'est pour confirmer encore plus l'ordre ou l'impératif dans ce verbe là. Et on appelle ça noun at-tawkid. Après le cheikh il explique que c'est une interdiction de se décourager. Et il dit ensuite والعجز معناه الكسل والإهمال ولا يجوز العجز الجسم وليس العجز الجسمي فالإنسان إذا عجز عجزا جسميا لا يؤاخذ لأنه ليس بالاختيار ليس باختياره ولكن المراد عجز الكسل وعجز الإهمال وإثار الراحة وهذا هو المنهي عنه لأنه يفوز على المسلم خيرا كثيرا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. الشيخ يقول que العجز en arabe la signification c'est la paresse et la négligence. Et le cheikh il explique que c'est pas, on parle pas de Al-Ajj, ça peut aussi vouloir dire l'incapacité, ok, en arabe des fois, selon le contexte. Et le cheikh il dit on ne parle pas de l'incapacité physique, Parce que si quelqu'un a une incapacité physique, il n'est pas blâmé, il n'est pas blâmé de ne pas faire quelque chose puisqu'il est incapable, comme quelqu'un qui est handicapé ou paralysé ou etc. Donc celui-là, il n'est pas blâmé puisque ce n'est pas son propre choix, le fait qu'il ne fait pas quelque chose, ce n'est pas sa propre décision ou son propre choix. La seule chose qui est blâmée ou la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit ici, c'est pas cette incapacité physique là, mais c'est plutôt l'âge dans le sens de se décourager, de perdre l'espoir, de faire preuve de paresse, de préférer le repos, hein, de rester immobile et de rien faire, de toujours vouloir prendre sa coule et de pas bouger. Donc ça c'est quelque chose qui est blâmable et ça fait perdre à beaucoup de musulmans, ça fait perdre aux musulmans beaucoup de bien. C'est ça que le chef explique. Quand tu fais preuve de cette paresse-là et de cette négligence, eh ben, tu te laisses aller, tu te décourages, tu commences à devenir paresseux et ça te fait perdre beaucoup d'opportunités et beaucoup de biens. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de faire un dua. Il faisait souvent une invocation. Et dans cette invocation-là, il disait, il demandait à Allah de le protéger contre la paresse, contre l'ajd, comme on a dit, la négligence et la paresse, et la peur, et l'avarice, et aussi contre les dettes qui sont écrasantes, et contre les hommes qui ont le dessus, qui pourraient prendre le dessus sur toi. Donc, contre ces choses-là, c'est des choses vraiment importantes. Al-ajd, on a dit c'est quoi? C'est de se décourager, le découragement et la paresse, al-kassal, la paresse. Al-jubn, c'est la peur d'être peureux. Quand tu dis, quand quelqu'un est lâche et peureux, on appelle ça al-jubn. On dit de quelqu'un qu'il est jaban. Jaban, ça veut dire qu'il est peureux, il a peur. Il est lâche, peureux. Al-khawf, c'est la peur. Mais al-jubn, al-khawf, c'est la crainte. Tandis qu'al-jubn, tu dis quelqu'un qui est peureux, mais qui est peureux, comment je pourrais dire? C'est parce que, il a pas, même s'il avait pas de, même si, parce que c'est le contraire de celui qui est courageux. Tu comprends? Bon, c'est ça. Parce que le courage, quelqu'un qui est courageux, même s'il a peur, il reste. Tandis que le quelqu'un qui est jaban, il a peur puis il reste pas, il va s'en aller. Ouais. Comme si non mais c'est vrai. Donc on a compris le point, le mot. Et al-bukhl, c'est le défaut que certaines personnes ont en eux-mêmes, d'être avare. Al-bukhl, tu veux pas donner, tu veux tout garder. Ghalabatud-dayn, c'est-à-dire que tes dettes commencent à prendre le dessus, tu commences à être écrasé de dettes. Et qahrur-rijal. Qahrur-rijal, les hommes qui t'écrasent, qui prennent le dessus sur toi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection d'Allah contre ces cinq choses-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 choses-là. Donc, le cheikh ensuite il dit, ثم قال صلى الله عليه وسلم إن أصابك شيء يعني مما تكره بعدما تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله وتترك العجز وبعدما تعمل هذه الأسباب إذا أصابك شيء عكس ما تريد وعكس ما تطلب فلا تجزع واعلم أن هذا بقضاء الله وقدره وأن الله لو قدر لك شيئا لحصل لك ولكنه لم يقدر لك ها؟ ولا تدري ما الخير فيه ولعل الله حبسه عنك لخير أراده بك وربما أن الإنسان يحرص على شيء ولو حصل له لأهلكه، فالله يمنعه عنه رحمة به، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc, le cheikh explique cette partie du hadith qui est en fait, qui commence à expliquer le sens du hadith qui dit, et s'il y a quelque chose qui t'appelle de malheur ou de mal, quelque chose que tu n'aimes pas, après que tu aies fait toutes les causes qu'on a mentionnées au début de ce hadith, comme par exemple, tu as fait l'effort et tu as eu le désir ardent et tu as fait l'effort pour avoir ce que tu voulais, et tu ne t'es pas découragé, et tu as mis ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tu as tout fait ça, puis après tu as fait les causes, et après le contraire de ce que tu voulais qui est arrivé, le contraire de ce que tu souhaitais, c'est ce qui est arrivé, alors qu'est-ce que tu fais? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi faire dans ce cas-là, et il nous explique le cheikh, il dit que si le contraire de ce que tu voulais s'est arrivé, dans ce cas-là c'est parce que c'était par là destination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te plains pas et ne te décourage pas. Hein? Ne commence pas à te plaindre et sache que tout ça c'est prédestiné par Allah et que c'est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il t'avait prédestiné cette chose-là tu l'aurais eu. Mais il ne te l'a pas prédestiné et toi tu ne sais pas où le bien est pour toi. Le bien pour toi tu ne sais pas où il est. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala t'a empêché d'avoir cette chose-là parce qu'il te voulait du bien, parce que c'est une miséricorde pour toi peut-être, du fait que tu ne sais pas, peut-être que cette chose-là était mauvaise, hein, tu ne sais pas où se tient le bien pour toi. Peut-être que si tu avais fait l'effort et que tu étais arrivé à avoir cette chose-là t'aurait fait périr et yani, Allah te l'a empêché pour te faire miséricorde. Et il mentionne le verset 216 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il se peut que vous ayez, que vous aimiez pas quelque chose, alors que cette chose-là est bonne pour vous, et il se peut que vous aimiez quelque chose et que cette chose-là soit mauvaise pour vous. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait, et vous ne savez pas. Donc ça, c'est pour expliquer qu'il faut s'en remettre à la confiance qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'on sait que tout ce qu'il a prédestiné pour nous, c'est pour notre bien, et qu'il y a toujours du bien là-dedans. C'est écrit, ouais. Et comme par exemple, certains des salafs, ils demandaient par exemple, « Oh Allah, si tu m'as écrit parmi les gens de l'enfer, même écris-moi parmi les noms des gens de enlève mon nom dans la liste des gens de l'enfer, écris-le dans la liste des gens du paradis. » Et en fait, ça c'est parce que Allah avait écrit qu'il allait faire ce doua. Hein? Et donc c'est ça. Tout était prédestiné, tout était écrit. D'accord? Bon. Le cheikh, il dit ensuite, فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا لا ترجع هذا إلى تقصيرك ولكن ارجع إلى قضاء الله وقدره لكن قل قدر الله وما شاء فعل يعني ارجع هذا إلى قضاء الله وقدره فالذي منعه عنك ليس هو فعلك أو تركك وإنما هو وإنما الذي منعه عنك هو الله سبحانه وتعالى ولا تدري لعل الله أراد بك خيرا وصرف عنك شرا فرض بقضاء الله وقدره هذا هو شأن المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر أما المنافق وضعيف الإيمان فإنه إذا أصابه شيء يكرهه جزع وتسخط وقال هذا بسبب فلان وهذا بسبب أني ما عملت كذا أو كذا وهذا جحود للقدر أو عدم إيمان بالقدر أو ضعف إيمان بالقدر وما هكذا المؤمن وما هكذا المؤمن. Le Cheikh il dit, et ne dis pas si seulement j'avais pas fait telle ou telle chose, ou si seulement j'avais fait telle ou telle chose ne serait pas arrivée. Parce que, le Cheikh il dit, ne ramène pas ça à tes manquements, à toi. Ramène ça à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa prédestinée. C'est-à-dire dans les choses qui ont rapport avec les événements qui se produisent, les choses qui se passent, qui se produisent hors de ton contrôle. Quand tu dis par exemple, il y a des fois des gens qui s'en veulent parce qu'ils ont fait un accident. Ils ont frappé quelqu'un avec leur voiture et la personne est morte. Là, ils s'en veulent à cause de ça. Ils disent, ah, si seulement j'avais pas fait ça, si j'avais tourné à gauche, si j'avais arrêté, si j'avais pas vu la lumière rouge, si j'avais ralenti, si j'avais pas. Donc, les gens commencent à dire si, et ça, ça ouvre la porte du shaitan. Parce que tu pouvais pas l'éviter puisque c'était écrit pour toi que ça devait se produire. Oui, c'est ça, ils se sentent coupables alors que Allah avait prédestiné qu'il allait faire cet accident-là et pouvait pas s'en échapper. Donc, il n'a pas à se sentir coupable, commencer à se blâmer ou des choses de ce genre. La seule chose, c'est qu'il doit mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et savoir que c'était prédestiné pour lui et être satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh, il dit, mais dis plutôt, قدر الله وما شاء فعل, c'est-à-dire dit plutôt ce que Allah a voulu, c'est ce qu'Allah a prédestiné, c'est ce qui est arrivé et c'est ce qu'il a voulu qui s'est produit, il a fait ce qu'il a voulu. Et donc ramène ça à la prédestinée et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et si la chose que tu voulais tu ne l'as pas eu, sache que celui qui a fait que tu n'as pas eu cette chose là ce n'est pas le fait que tu aies fait toi-même quelque chose ou que tu n'aies pas fait cette chose, mais plutôt c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'en a empêché, qui t'a empêché de l'avoir, et toi tu ne sais pas où est-ce qu'il est le bien, et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala t'a voulu du bien en éloignant de toi ce mal. Donc sois satisfait de la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son décret. Des fois, moi ça m'a fait rire dernièrement, il y avait les Jeux Olympiques il y a pas longtemps, et puis je sais pas dans quelle discipline ou dans quel sport exactement, mais il y avait un athlète canadien à la radio qui disait, je comprends pas qu'est-ce qui m'est arrivé, j'ai tout fait, je me suis entraîné, j'ai fait tous les efforts, et vraiment j'arrive pas à comprendre comment j'ai pas réussi à avoir la médaille d'or. Il était vraiment bouleversé parce que pour lui c'était une question de logique qu'il devait gagner. Oui, il était meilleur, il avait fait, même dans les tests qu'il avait fait, les pratiques qu'il avait fait, il avait toujours des meilleures performances, il était prêt pour les Jeux Olympiques, il disait il faut que c'est certain que je vais gagner. Et quand il est arrivé aux Jeux Olympiques direct, il a pas réussi à aller. Donc le fait que quelqu'un soit le meilleur, qu'il est ci, qu'il est ça et tout, Allah s'en va, c'est celui qui décide, c'est celui qui a prédestiné, est-ce qu'il va être gagnant ou non, c'est comme les examens, oui c'est ça, c'est Allah qui est au-dessus de tous. Donc c'est pour dire que peut-être que s'il avait gagné, ça aurait été un mal pour lui, il ne le sait pas, des fois tu perds dans quelque chose, tu perds dans quelque chose, tu penses que c'est mauvais, peut-être que c'est un bien pour toi. Parce qu'il a fait tout son effort, il a fait tout son possible, je ne sais pas s'il a mis sa confiance en Allah, parce que je ne sais pas s'il est, s'il a confiance en Allah ou s'il est croyant en Allah, la chose est certaine, c'est qu'il n'est pas musulman, donc c'est un kafir, mais juste pour dire, il y en a même parmi les koufars, des fois ils font des actions, puis ils mettent leur confiance en Dieu, et en Allah, parce qu'ils croient en Allah, même s'ils font le shirk, ils font du shirk, dans l'adoration, mais ils reconnaissent quand même qu'il y a Allah, tandis qu'il y a d'autres kuffars, les mouchriquins, ils se basent juste sur des causes matérielles, et ils savent qu'il n'y a rien en dehors de, ils pensent qu'il n'y a rien en dehors du matériel qui peut affecter quoi que ce soit. et qu'il ne croit pas à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est juste pour dire que yani, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il t'enlève quelque chose ou il éloigne quelque chose de toi, et puis toi tu penses que c'est mauvais, et puis pourtant c'est pas nécessairement un mal pour toi, mais tu vois pas tout de suite devant tes yeux, tu vois pas toujours le bien dans ça. Donc le cheikh il dit, oui c'est ça, donc sois satisfait de la prédestinée et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit c'est ça l'attitude du croyant, hein, celui qui croit en la prédestinée et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'hypocrite et la personne qui est hypocrite, munafiq, ou bien qui a une foi faible, elle, lorsqu'elle a un malheur, quelque chose qu'elle n'aime pas qui lui arrive, eh ben, elle commence à se plaindre, à se décourager, à se mettre en colère, hein, et tout ça, elle commence à dire quoi? Elle commence à dire, ah, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel, et ça c'est parce que j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et ça d'une certaine façon, c'est comme une sorte de négation de la prédestination, ou un manque ou une faiblesse dans la foi en la prédestination. C'est pas l'attitude du vrai croyant. Après le chef il explique, il dit فقول قدر الله ما شاء فعل يحل عن المسلم مشاكل كثيرة يحل عن المسلم مشاكل كثيرة ثم قال فإن لو أي قول لو تفتح عمل الشيطان إذا أرجعت هذا إلى غير القضاء والقدر دخل الشيطان وصار يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويلقي عليك القلق النفسي وتصبح في هم وغم وحزن وحزن. أما إذا أغلقت هذا الباب وقلت قضاء الله وقدره أو قدر الله وما شاء فعل فإنك تغلق باب الشيطان فلو مفتاح لباب الشيطان وقدر الله وما شاء فعل إغلاق لباب الشيطان وتستريح من شره ومن همومه وأحزانه ووساوسه. Donc le cheikh il dit ici que yani, lorsque quelque chose de ce genre t'arrive, tu dis pas si, hein, mais tu dis plutôt ce que Allah a prédestiné. قدر الله وما شاء فعل. Ça c'est la parole qu'on doit dire quand il nous arrive quelque chose. On doit toujours dire ça. قدر الله وما شاء فعل. Ok? Il t'arrive un accident, il t'arrive quelque chose, ou bien quelque chose, t'as fait l'effort, t'as tout fait pour arriver, puis, hein, c'est comme par exemple, tu veux acheter quelque chose. Par exemple, un billet d'avion. Puis, tu veux absolument arriver à l'heure pour arriver à temps pour l'acheter. Puis, donc, tu pars, tu fais tous les efforts nécessaires pour arriver, hein, tu prends les routes, les meilleures routes pour arriver à temps, hein, tu fais tous les efforts, puis, t'arrives devant le bureau, puis, c'est fermé. T'as tout fait pour arriver à temps, mais Allah a voulu que t'arrives pas. Il a voulu que quand t'arrives, c'est fermé. Hein? Soit parce que il y a quelque chose d'autre qui est arrivé que toi t'avais pas calculé. Donc c'est pour dire que toi tu fais l'effort et quand ça arrive, là si t'arrives devant le magasin pour acheter ton billet, tu vois que la porte est fermée, qu'il y a personne, et là tu commences à crier. Ah non! Hein, commence à te plaindre, commence à t'énerver, à frapper dans la fenêtre et ou à dire des insultes ou des choses comme ça. Non, mais tu dis qadar Allah ma sha'a fa'al, c'est Allah qui a voulu, c'est comme ça. Et tu sais que Allah il a pas voulu que tu achètes ce billet là, peut-être que c'est une bonne raison. Tu sais pas, peut-être que l'avion, si tu l'avais pris, elle allait s'écraser. Allahu a'lam. Donc c'est pour ça, pense toujours que qu'est-ce qui arrive ou qu'est-ce qui arrive pas, c'est toujours par la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois c'est pas le bien avion, des fois tu manques ton avion, yani. Hein? Ou des choses comme ça, yani. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. C'est quelqu'un qui manque son avion, l'avion s'écrase, hein. Ben c'est ça, alhamdoulilah. Les gens sont pas contents, ils pensent à ci, ils pensent à ça, hein. Donc c'est pour ça, quelqu'un, par exemple, imaginez, quelqu'un qui s'en allait travailler le 11 septembre, hein, dans les tours, il travaillait là-bas. Et puis, en route, sa voiture, elle a une panne d'essence ou bien une crevaison. Là, il dit, ah non, là, je vais manquer le travail, j'ai pas retard. Là, qu'est-ce qui arrive, il ouvre la radio, il entend qu'il y a deux avions qui sont rentrés dans le World Trade Center. Hein? Non, mais c'est des exemples pour voir que tu sais jamais, Yanni, qu'est-ce qui peut t'arriver. Tu penses que c'est un mal pour toi, puis finalement, c'est un bien. Hein? Oui, oui, c'est ça, par le béton, hein. On a parlé de ça hier. Subhanallah. La voiture était complètement écrasée. Du béton qui est tombé sur lui. Ouais. Ça, c'est un parking public, là, dans un centre d'achat, ou quelque chose comme ça. Dans un immeuble. Subhanallah. Ouais, ouais. C'est Allah qui l'a, c'est Allah, les ponts, hein. Le pont qui s'est écrasé, hein. J'ai entendu une des personnes qui était dans cet accident-là sur le pont. Il était en motocyclette. Et puis, il dit, je m'en allais en motocyclette. Je me suis réveillé. La seule chose que je me souviens, c'est que j'étais dans un lit d'hôpital. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a comme si, la dernière chose que je me souviens, c'est que j'étais sur ma motocyclette. Hein? Parce que t'imagines, tu roules normal et puis tout d'un coup la route devant toi, il y en a plus. Il y en a, le pont et le béton qui est là, il y en a plus. Il y en a, tu tombes en bas dans le vide. Et ceux qui étaient en dessous, le pont qui tombe sur leur tête. Hein? Ça c'est incroyable. Donc c'est-à-dire quand t'es quelque part, tu sais jamais. Des fois je marche dans le métro, je me dis regarde le béton et tout là. Mais t'imagines, ça tombe sur ta tête et tout. Ouais, c'est vieux, tu. Ben oui, c'est ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui décide tout et qui calcule tout. Et vous savez, surtout Mouhtar, il est au courant de ça. Dans un avion, là, des petites pièces de rien du tout, là. Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait que cet avion, là, que cette pièce-là, elle va, quand est-ce qu'elle va briser, quand est-ce qu'elle va pas briser. Et c'est lui qui décide si c'est à ce moment-là qu'elle va commencer à être défectueuse ou non. Hein? C'est un boulon. Puis à cause de ça, ça pouvait causer un accident dans un avion. Donc c'est pour dire, surtout avec la nouvelle technologie et tout, il y a tellement de petits détails de rien du tout qui peuvent faire en sorte que tout marche pas, tu vois. Surtout, un matin tu arrives à la banque, tu veux faire quelque chose, il y a un problème dans le système. Et quand il y a un problème dans le système, c'est toutes les transactions, toutes les banques, ils peuvent rien faire parce que tout est par informatique et tout est relié au système. Donc toi, tu calculais que, ah oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça aujourd'hui. Tu arrives là-bas, tout ton plan, toutes tes prévisions sont à l'eau, hein. Ouais, mais c'est ça, ça aussi. Bien sûr, c'est Allah qui prédestine ça. Mais. Bon, ben, il y en a quand ils perdent leur emploi, les femmes en particulier, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se suicider, hein, quand ils perdent leur travail. Parce que pour eux, la vie, c'est travailler. Si tu n'as plus de travail, ça y est, c'est fini. Hein? La vie, c'est ça, le but pour eux, c'est travailler. Non. Oui, c'est comme les, en tout cas, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est juste pour voir, parce que on a plein d'exemples autour de nous pour nous faire réfléchir à toutes ces questions de qadar wa qadar. Et que, comment le croyant, il réagit face à ces choses-là, par rapport au kafir, lui, qui réagit complètement différemment que le croyant. Hein? Et donc, quand les kuffars, ils voient le musulman et le croyant musulman qui est calme, qui s'énerve pas, eux, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Comment ça se fait que t'es calme? Comment ça se fait que t'es comme ça? Pourquoi tu t'énerves pas, hein? Parce que toi, tu vois pas la vie de la même manière que lui. Ta conviction est complètement en Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que lui, sa conviction est en rien, hein. Ou bien seulement en ses moyens faibles. Mais si tu dépends uniquement sur tes moyens faibles, eh ben, tu peux pas, être certain que qu'est-ce que tu vas faire, ça va fonctionner. Hein? Moi, j'ai juste pour donner un dernier exemple, je voulais déjà peut-être donner, Mais c'est que vous savez, la NASA puis tout ça, eux c'est des gens qui font des calculs, puis c'est des ingénieurs, des gens très hautement qualifiés et tout. Et puis malgré tout, hein, ils ont envoyé des sondes sur Mars. Et puis à chaque fois qu'ils envoient une sonde, ils ont un problème. C'est des millions de dollars qu'ils prennent pour envoyer ça là-bas, et après ça fonctionne pas. Malgré tous les préparations, tous les calculs et tout, ils font des erreurs. Hein. Tout le monde est capable de faire des erreurs. Et donc, il suffit d'un petit détail, de rien du tout qui ne marche pas, et puis ça ne marche pas. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que le succès arrive ou que quelque chose n'arrive pas. Hein. Donc ça, c'est tout des exemples pour faire réfléchir à quelqu'un que si une chose comme ça, il s'est passé puis que tu as eu la vie sauf, ah ben, quelqu'un qui a une vraie raison, qui comprend les choses, il devrait être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste de faire preuve de plus d'efforts dans l'adoration d'Allah, de plus de sincérité, de plus de force dans ta foi, de faire des efforts pour être meilleur musulman, pour remercier Allah. Exactement. Le cheikh, il dit ensuite que de dire si, ça ouvre la porte du shaitan, comme c'est mentionné dans le hadith. C'est-à-dire que si tu ramènes pas ces affaires-là à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque ces choses-là se produisent, c'est comme si tu ouvrais la porte au shaitan, et tu ouvres la porte aux suggestions négatives que le shaitan peut t'insouffler dans ton âme et dans ton cœur. Et donc, ça t'amène quoi par la suite? Ça t'amène des suspicions, ça t'amène des doutes, ça t'amène des dépressions, des problèmes, de la tristesse, hein. Et donc ça, c'est des choses qu'on doit éviter en fermant la porte au shaitan en disant qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Et lorsque tu dis qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al, ça ferme complètement la porte du shaitan. Donc la clé de la porte du shaitan, c'est de dire si. Et là, de dire qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al, c'est qu'est-ce qui ferme la porte au shaitan. Et ça te laisse en paix en toi-même contre tout le mal, contre toutes les tristesses, les soupers du shaitan qu'il peut t'insouffler en toi-même, ou bien al-humum, c'est-à-dire les soucis, les tracas et les choses de ce genre. Ensuite, le shaykh dit « وَيَبْقَى إِشْكَالِ وَهُوَ أَنَّ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لما سقت الهدي ولأحللت معكم وجعلتها عمرة. أليس هذا في استعمال لو في شيء تبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فاته وهو فضيلة التمتع بالعمرة إلى الحج؟ ألا يتعارض مع قوله إن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا؟ الجواب لا تعارض، لأن لو إني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، هذا من باب الجزاء على شيء حصل وانتهى. أما لو إني استقبلت من أمري ما استدبرت، فهو إخبار عن المستقبل لا عن الماضي. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو تبين له فضل العمرة والتمتع بها إلى الحج لتمتع صلى الله عليه وسلم ولما ساق الهدي، وهو إخبار عما يفعله في المستقبل. وهذا هو الجمع بين الأحاديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن المستقبل، وأيضا هو يتمنى عمل طاعة وعمل قربة إلى الله، وليس يتجزى عن شيء على شيء فاته أو شيء مضى، فلا تعارض بين هذا وهذا. Donc on avait expliqué hier les cinq différentes catégories de quand est-ce qu'on a le droit d'utiliser, quand est-ce qu'on, c'est-à-dire les différents cas dans lesquels on dit si, et on a expliqué lesquels sont haram, lesquels sont permis. Hein. Et parmi les cas qu'on a donné, c'est que ceux qui sont permis, c'est que quand tu le dis par exemple dans le sens que tu souhaites quelque chose, dans ce cas-là c'est permis. Comme par exemple, si tu dis si j'ai la voiture, je vais venir te visiter, hein? Ou bien s'il y avait de l'argent, je t'aurais donné un cadeau. Ça, c'est un exemple. Toutefois, si tu dis, si j'aurais de l'argent, j'aurais acheté un billet de loterie, ou j'aurais acheté de l'alcool, ça, c'est souhaiter quelque chose de mauvais, ça, c'est mauvais. Mais si tu souhaites quelque chose de bon, dans ce cas-là, c'est bon. Aussi, si tu... donc, le souhait, ça, c'est dans les quelque chose qui a rapport avec l'avenir, ça, c'est correct. Mais si c'est quelque chose qui a rapport avec le passé, et qui s'est déjà terminé, dans ce cas-là, ça, c'est haram, parce que ça amène... le remords, et ça amène le fait de se sentir triste et des choses de ce genre. Et si tu le dis juste comme information, c'est-à-dire tu dis si tu me donnes, tu dis par exemple, si tu me donnes si tu me visites, je vais te donner à manger. Ça, c'est juste une information, il n'y a rien de haram là-dedans, parce que c'est juste une information normale de quelque chose que tu dis. Si tu viens me visiter, je vais te donner de l'argent. Ou bien, si tu viens me visiter, je vais te donner à manger. Ou bien, si tu me dis le salam, je vais te faire un sourire. Hein, des exemples comme ça. Toutefois, on a expliqué les autres cas. Et ça fait partie des exemples ici. Le cheikh, il pose la question, il dit... comment on peut expliquer le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque c'était le hajj d'adieu, il a dit, si j'avais pas, si j'avais planifié mes choses autrement, j'aurais pas amené les offrandes pour la Mecque, et j'aurais enlevé mon ihram avec vous, et j'aurais fait le hajj tamattu avec vous. Donc, le cheikh, il explique et il dit, est-ce que ça, c'est pas l'utilisation de si, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé le mot si, hein, à propos de quelque chose qu'il a manqué, hein, du bien d'avoir fait la umrah, au lieu d'avoir fait le hajj qiran. Donc, le cheikh, il dit, il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths. Parce que la réponse à ça, c'est que il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths, parce que ça a rapport avec quelque chose dans l'avenir. Hein. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait souhaité faire ça s'il aurait su qu'est-ce qu'il y avait comme bien dans le hajj tamattu, du fait qu'il allait être avec les sahaba et enlever son ihram, il n'aurait pas fait le hajj qiran, il n'aurait pas amené les offrandes, il aurait fait comme les autres sahaba, il aurait fait hajj tamattu dans l'avenir. Donc ça, c'est l'explication que le cheikh il nous donne à ce sujet-là. Il dit que ça, c'est comment on peut réunir les deux hadiths. Comme on a expliqué ça hier, on a donné l'exemple de ça, ça fait pas partie des choses qui sont haram de dire là-haut, ça fait partie d'une information qu'il donne dans ce sens-là, par rapport à une acte d'adoration et quelque chose qui rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu dis par exemple, si j'avais de l'argent, je serais allé faire le hajj. Hein? Des choses comme ça. Le cheikh il dit, et de réunir... Attends, okay. Donc ça, c'est la fin du chapitre à ce sujet-là. On a terminé. Il reste juste à mentionner les différents points pour faire un résumé de tout ce qu'on a vu dans ce chapitre. Le cheikh il dit bab al-masa'il. Al-mas'alatu al-ula wujub al-iman bil-qada'i wal-qadar fa innahu ar-rukn as-sadis min arkan al-iman wa huwa min alamat at-tawhid wa 'adam al-iman bil-qada'i wal-qadar yatanafa ma'a at-tawhid wa huwa min alamat an-nifaq. Le cheikh il dit comme point numéro comme point numéro 1, l'obligation de croire en Al-Qadar ou Al-Qadar est que c'est le sixième pilier parmi les piliers de la foi. Et ça fait partie des preuves et des signes du Tawhid. Et il dit que de ne pas croire en la prédestinée, Al-Qadar ou Al-Qadar, c'est quelque chose qui est en opposition avec le Tawhid, et c'est parmi les signes de l'hypocrisie et du nifaq. Al-Mas'alatu Thaniya yustafadu min al-ayatayn wal-hadith wujub tarq law عند نزول المصائب والمكروهات ولا يقول لو أني فعلت كذا وكذا ما حصلت هذه المصائب، بل يقول هذه المصائب مقدرة من الله سبحانه وتعالى فيرضى بقدر الله وقدره. Deuxième point, on peut tirer de ce hadith et de ces deux versets qu'on doit abandonner le mot « si » lorsqu'il y a des malheurs qui tombent sur nous ou des choses qu'on n'aime pas. On ne doit pas dire « si j'avais fait telle chose ou telle chose » ou « si seulement je n'avais pas fait telle ou telle chose » mais on doit plutôt dire lorsque quelque chose vient sur nous s'en remettre à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dire « ça, ce qui m'arrive, c'est qu'est-ce que Allah a prédestiné pour moi et est satisfait en le décret et la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. » المسألة الثالثة فيه الحث على فعل الأسباب لقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. Le point numéro 3, de faire les causes nécessaires pour arriver à qu'est-ce qu'on veut. Et ça c'est tiré de la parole dans le hadith quand le prophète صلى الله عليه وسلم il dit fais des efforts, احرص, fais des efforts pour avoir qu'est-ce qui est bénéfique pour toi. Dirige-toi vers qu'est-ce qui est bénéfique pour toi. المسألة الرابعة فيه النهي عن الاعتماد على الأسباب ووجوب الاستعانة بالله تعالى واستعن بالله. Le quatrième point, c'est l'interdiction de dépendre sur les causes et l'obligation de chercher l'aide d'Allah سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة فيه النهي عن الإهمال والكسل وتعطيل الأسباب. Le point numéro 5, il y a l'interdiction de faire preuve de négligence, de paresse et de ne pas prendre les causes pour arriver à notre but. Et المسألة السادسة فيه علة النهي عن قول لو وهو لأنه يفتح عمل الشيطان. أما الاستعانة بالله والحرص على ما ينفع وترك التلوم بقول لو فإن هذا يغلق باب الشيطان عن الإنسان. Le Cheikh dit comme point numéro 6 que la cause de l'interdiction de dire l'eau aussi, c'est expliqué dans le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ça ouvre la porte aux actions du shaitan. Mais quand on cherche l'aide d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'on fait les efforts pour avoir qu'est-ce qui est bénéfique, et bien dans ce cas-là, ça et qu'on abandonne le blâme et qu'on ne dit pas l'eau, alors ça ferme la porte au shaitan. Et le point numéro 7, fihi fadl al-mu'min umuman wa anna al-mu'min al-qawi afdal min al-mu'min al-da'if. Il y a dans ce septième point le fait que le croyant en général il est bon, mais le croyant qui est fort il est meilleur que le croyant qui est faible. Et le point numéro 8, فيه إثبات محبة الله للمؤمنين وأنها تتفاضل بحسب قوتهم وضعفهم في الإيمان وغيره. Le point numéro 8, c'est qu'on doit affirmer que Allah aime les croyants et que cet amour-là, elle peut être différente dans son degré et dans sa force par rapport à la foi, et aux actions de la personne. D'accord? Plus qu'une personne fait de bien, plus Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et plus que sa foi est forte, plus que Allah l'aime. Et moins que la foi de la personne est forte, moins que Allah l'aime. Et plus il fait des désobéissances, moins Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et ainsi de suite. Donc ça c'est la fin de ce chapitre, Inch'Allah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Puis, le cours prochain, on continuera. Mais je voulais juste vous annoncer que le cours de dimanche prochain, on va pas le faire dimanche, parce que je serai pas ici, je serai pas à Montréal, donc on va le faire vendredi, le cours. Si vous, pour ceux qui peuvent venir, à 5h, ok? À 5h vendredi, puis on va faire samedi aussi. Mais dimanche, c'est annulé. D'accord? Ça c'est juste pour la semaine prochaine, parce que ça va être l'Aïd. D'accord? Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.